nasilisi nanu kolia te okomi kolongola basani mpo na nini papa denges les visionnaires pour l'avenir et la paix. Ministre d'État, les grands rassembleurs. Yeah.